À la date du 31 janvier, 4 jours après son départ, le Macquarie n'avait pas encore franchi les 2/3 de cet océan resserré entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'impardonnable incurie de Will Halley obligeait John Mangles à une surveillance incessante. Cependant, cette situation du navire le préoccupait. Mais, pour ne pas inquiéter Glenarvan, il n'en parla qu'au major et à Paganel. « Cette mesure vous paraît utile, John, » dit McNabbs. « Vous ne devez point hésiter à prendre le commandement. Ou, si vous l'aimez mieux, la direction du navire. »« Ce sera difficile, » répondit John. « Et sans la carte de cette partie de la côte, c'est impossible. » Et dans ce cas, dit le major, l'équipage n'a d'autre ressource que de se réfugier à la côte. Oui, monsieur McNabbs, si le temps le permet. Dure extrémité, répondit Paganel, car elles ne sont pas hospitalières, les côtes de la Nouvelle-Zélande, et les dangers sont aussi grands au-delà qu'en deçà des rivages. Vous parlez des Maoris, monsieur Paganel? Demanda John Mangles. Oui, mon ami. Il s'agit ici d'une race intelligente et sanguinaire, de cannibales, friands de vieux chair humaine. Ainsi, dit le major, si le capitaine Grant avait fait naufrage sur les côtes de la Nouvelle-Zélande, vous ne conseilleriez point de se lancer à sa recherche. Sur les côtes, si, répondit le géographe, car on pourrait peut-être trouver des traces du Britannia, mais à l'intérieur, non. Les craintes de Paganel n'étaient que trop justifiées. La Nouvelle-Zélande a une renommée terrible. La liste est longue des victimes inscrites au martyrologe des navigateurs. Tel était ce pays de la Nouvelle-Zélande vers lequel courait le Macquarie, monté par un équipage stupide sous le commandement d'un ivrogne. Cependant, cette pénible traversée se prolongeait. Mais ni Lady Helena ni Mary Grant ne se plaignaient.